sous la pluie, je me baladais. Je me baladais. Dans les forêts. savent du monde et de la vie autour de lui. Il avait soif du monde et de la nature autour de lui. Oui, ce fils. Se balader. Le sauveur en slip. l'histoire se filme. Vraiment. Passionnant. Parcourir le monde en slip, sous la pluie, sous la neige. Dans l'eau, le vent. Slipman, il avait le cœur grand et les vêtements, un simple slip pour sauver l'humanité. Oui, c'est lui, dénommé Slipman, un simple slip, et il parcourt le monde. Sous la pluie, sous le vent, sous le temps. Le feu ne lui fait pas peur. Ah non, non, non, il y va tête première. Le feu ne lui fait pas peur, il se balade même dans les volcans. Quel que soit le temps. C'est Slipman, oui, c'est fini. Un simple slip et du pouvoir, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui. Oui, c'est lui. C'est moi. c'est moi. Oh putain. Ça relaxe, hein. Ça relaxe un max, quoi. On a envie d'aller faire un tour dans les forêts sous la pluie, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Une petite marche dans les forêts, là. Histoire de respirer le bon air, quoi. Hors de la pollution. Oh putain, je crois que tu t'es endormi. Oh, coquille de sort. tu veux. Thank you. Yeah. tin man. The man, man. Thank you. Thank you.